Okatanga, il y a du sabotage. Nani voit ba pilone à Snell. Je préfère qu'on puisse court-circuiter ma motion de défiance wana contre quelqu'un qui veut que quelque chose soit contrôlé. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est de... On ne peut pas enlever Mbungu Bungwa Longwaki gouverneur pour que ce qui n'est pas fait reste comme ça sans être sanctionné. Abonnez-vous à Kadjumbo TV. Tomoni image moko. Monsieur Ados Ndombasi, c'est vrai, Eza a sala qui buzz na ye, hein? Ya o baranda kinga na bambongo, si c'est 150 000, biloko on a jeep tout ça. De côté ce côté, j'ai dit non, je connais l'homme moni ba stratégie ba zao sala pour faire des festivals, ya théâtre ba tout ba côté belé. Cette intelligence, Eza la makasi, ça forme beaucoup de gens. Peut-être il a voulu qu'on attire l'attention sur lui. Hein? Parce que c'est quelqu'un qui a fait des grands festivals dans ce pays, qui ont tenu, il faut le reconnaître. Alors peut-être, tactique wana, Atali, ayoka ki sango ki bazo korompre bato ba petit bango ba jeep, atang mousou sa zela ki mezo ya kote na yete a kreye amou. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes de tout rang, vous qui venez en Mbujimayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec trois types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide. Une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur Terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribue à la longue durée des vies sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Cachalabonzola, dans la commune minière de la Canchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Chers internautes, Mbote Nabino, Mbote, bon week-end partout où vous trouvez. Peut-être le col à mon client, ça me compliqué. Bah, moussous, bah, vous avez un minute, vous avez un bout, vous avez un côté dimanche. C'est un peu trop compliqué, ça montre la grandeur de Dieu créateur. Nabandi, le lot, vous voyez, Bissabino, que na date, il y a le lot samedi, qu'on a na assemblée provinciale, Ezaya Koinda. Ezaya Koinda, pourquoi? Parce que motion de défiance pour Balongola, Néron Mbungu, comme vice-gouverneur, bazo examiné en Golelo. Nengata en Alandeli, le Kambo, on a de près, selon les informations, le Kamboni, ni au Yessali, qui va députer, va sa la pétition. Ou bien, député va faire sa motion on a de défiance pour Balongola, Néron Mbungu Mbungu. Likambo bazo wela yango e bandeko na ngai. Néron Mbungu Mbungu abimaki na media alobi makambo ya kini bopeto oyo gouverneur ngobilazo sala eza nango ba blague eza aventure. Pona ye alobi il y a même pas un budget pour ça. Il n'y a même pas un plan de travail pour ça. Il y a rien du tout. Mais bazo loba lobango kana munoko kini bopeto. Ça ce sont ces déclarations. Oyo esali que ba député provinciaux lokola bakisa ki a lobby ba député assemblée provinciale ezali ko sala elo côté. Pourquoi? Parce que assemblée nyonso mission nango ezalaka ya ko contrôler ba action ya ba exécutif. Comme ngobila aza exécutif ba monique kini bopeto eza na budget planté ninité Mbungu Mbungu en tant que vice gouverneur a attaqué. C'est vrai, j'ai suivi quelqu'un aussi du côté ya gouverneur Gentil Ngobila koloba ke Mbungu Mbungu atanga ka ba document ninité. Bon, ça ne m'intéresse pas. Na yeto koka ko réfléchir ndambu na likambo oyo, est-ce que ba député ils peuvent dire que les propos sont discourtois, irrespectueux. Il y a Mbungu Mbungu envers l'Assemblée provinciale. Parce que, sincèrement, Tomonaka Ngobila, Kobimisa président de la République Fatih, Kokendenae Nabandal qui a lancé l'opération Kinbopeto. En âme et conscience, vous les députés provinciaux, est-ce que Néron a causé l'Elokoana? Ce qui budget est là qui, ton gars qui tombe on a qui nous bopète ko avancer même d'un iota. Parce que qui nous bopète exaté, sincèrement exaté, ko bandaka ka pembe ni a gouvernora wana, c'est très sale. Ou bien, ce qui le budget est là, c'est le budget bimaki balia yango. Mais ce qui budget bimaki exapé na musalate, est-ce qu'a koka kite koloba? Je comprends que les mêmes méthodes de la République Oye Dirijaki Kabila elles ont continué. Parce que les députés peuvent s'énerver à que to contrôla ki eloko wana mais ya koka ki koloba boyeti. Imaginez que Néron Mbungu Mbungu c'est un exécutif qui rappelle l'Assemblée provinciale que bon ça la musala na binoti réaction qui toko linga sani Godin Poy avec tout ton comité ba membre ya biro na yo il fallait au contraire na ba déclaration Néron Mbungu Mbungu bo prouver le contraire que koluka kolongola yi. Le contraire serait quoi? Faites votre contrôle parlementaire. Vous qui êtes au Makamba qui Mbopeto, ne faites pas semblant. Parce que la ville est très sale. Maintenant, qui ne peut pas être au niveau de l'angolango n'est pas bon. Et ça, qui ne peut pas être spirituel? Ou bien qui ne peut pas être habillé dans un boulevard et c'est comme Mbaka? Ou qui ne peut pas être à côté? Avec ça, on ne va pas permettre au président de la République de bien administrer sa politique. Je préfère qu'on puisse court-circuiter ma motion de défiance contre quelqu'un qui veut que quelque chose soit contrôlé. Dans une situation où on a comparé Angona et Lualaba entre Mouyege Mangueze Mans et Fifi Masuka, vice-gouverneur Masuka a gangaki que non, il y a plusieurs comptes, il y a un compte Moko. Je n'ai pas vu les députés là-bas, provinciaux, que ça la motion de défiance pour Atangi titulaire. Mais Awa Mbalamoko a lobby Kinbopeto, parce que Kinbopeto va déclarer qu'il y a un go. Mais pourquoi vous ne voulez pas contrôler ce qui est sur les mains? Tant que vous avez la cabine de députés provinciaux, mais si la salité n'y a pas de cacawana, franchement, nous disons que le bas blanc, mais là aussi, il y a des blancs qui viennent vous dire des choses. Quand vous sortez de l'assemblée provinciale, bon, maman est mon dégaine. Bon, mon akaliboso abino mon dégaine. Bon, mon akandégaine ni mairie en gobon akandégaine. Boken dakaba, varogading, ba place tout bon, mon akandégaine. Est-ce que pour ça, il faut que vous avez de la valeur, que l'on golaye? Non, votre valeur est dans le travail que vous faites, qui n'est pas fait. Il n'y a rien. Dans mon période, mon succès au Yozaki, Godem Poy, et ça, il y a quoi s'attaquer à Mike Mukebaye. Vous avez attaqué, vous avez fait souffrir, il fallait le punir, ainsi de suite. Mais on finit. Il n'y a rien qui marche avec votre assemblée là. Il n'y a rien. Alors, ce qui va consommer sous sa licolo va intervenir, basalayango. On ne peut pas enlever Mbungu Bungwa Longwa qui gouverneur pour que ce qui n'est pas fait reste comme ça sans être sanctionné. Il n'y a rien qui se fait, Yamalonga. Nous sommes sincères. Quant aux travaux, le Kakuna na Zandu. Peut-être ceux qui déjà imaginent bien, n'a pas eu collègue ça. Bateau et basali, investigation à partir de l'Europe, société et batangi et reconnaître le contrat en atte. Imaginez ceux qui zalakande mungumungu alobaki ango. Bolisake lissusu kaka méfiance à longwa. Alors, dans tout ceci, il faudrait que le président Félix s'investisse autrement. Du genre que ces gens ne travaillent pas pour vous permettre d'avancer. Parce qu'en laissant la ville de Kinshasa dans cette saleté-là, c'est difficile de convaincre les gens au moment des élections. Tokena sujet mususu. Au Katanga, il y a du sabotage. Nanivo ba pilon et asnel. Toko ki ko comprendre que ba iba poto. Mais ce baïbi pilon en centre-ville, en pleine capitale qui préfère, il n'y a pas un autre langage à donner. Sabotage. Bon, c'est quoi sabotage, Joana? Parce que la population est que awa est un sabotage. Quand il y a un parti qui est dans le noir, et heureusement, le directeur Yasnel a branché le campus de Lubumbashi dans la ligne aéroport. Objectif est là qui tout quatre bâtiments tout quoi ça soit bas étudiants bas tombeau qui bas descendre sur la ville dégage quoi ça les mains bas critiquer président Félix Tshisekedi. Mais dans l'entretemps, vous faites souffrir qui? Je passe. Tomoni image moko monsieur Ados Ndombasi. C'est vrai, et ça à cela qui buzz naie hein, il y a oh, baranda qui a la bambongo, si c'est 150 000, biloko on a jeep, tout ça. De ce côté, j'ai dit non, je connais l'homme. moni ba stratégie ba za ko sala pour faire des festivals ya théâtre ba to ba côté belé cette intelligence ezala ka makasi ça forme beaucoup de gens. Peut-être il a voulu qu'on a attiré l'attention sur lui, hein, parce que c'est quelqu'un qui a fait de grands festivals dans ce pays qui ont tenu, il faut le reconnaître. Alors peut-être tactique wana atali ayoka ki sango ke bazo ko rompre bato ba pesi bango ba jeep atang mususu azela ki mezo ya kote na yete a créer yango. Mais il n'y a pas eu de jeep donné aux gens et la corruption, il n'y a pas eu tout ça. Alors dire que bakolanda ados va pesa mbongo va pesa jeep, non, ça c'est faux, il faut le reconnaître que c'est faux. Peut-être alingi ba chayeka parce que ça ne vient pas. Mais je dis à mon jeune frère, travailler na yoka koza député na ane oyekoya ya ba election mususu yo moko nde okomi boma yo moko. C'est inutile de mener un combat contre Félix en manquant des arguments. Mais néanmoins, j'ai aimé quelque chose quand tu es allé à Bukangalozi. Okendeke na intention ya ko ruiner. Okendeke na intention te ya ke pays e kende liboso. Parce que Bukangalozi ba sali aventure na ba mata tamponyo. Mais à l'arrivée de Félix Tshisekedi, il va récolter. Yo adosso ke ba poto zongi ke ko tambola ba États-Unis manini oyebi, tu as fait exprès. On le côté deux épis de maïs pour la collecte que tozo perdre. On le bisa ba tonne. Mais na mona ki te ndengo zo tambola ba hectare yo se pour compter le nombre de maïs pour le bisa ba tonne. Ça c'est l'acte mensonger. Ça c'est une langue mensongère et ce n'est pas honorable pour toi. Tu sais que tu représentes tous les artistes, comédiens, plasticiens, céramistes, acteurs de cinéma, mais tu ne fais pas ce travail-là pour lequel va voter qui est. Yo comme on compte là bas, biloko ya ko saboter le président Félix, tu ne sauras pas. Fais le travail pour lequel les artistes avaient voté pour toi, ils seront reconnaissants. Tenez, autant molité et zo diminué yo, au tellement que place beaucoup zuba masango zo lax. On ne t'a pas vu quelque part cautionner le coin. Tu ne pouvais même pas cautionner na kokoka. C'est faux. C'est du mensonge cousu avec du fil blanc. Mais na kata mensonge na yo. Ngai na mona ki element moko ya bien oyo na lingi na exploiter. Na mona ki element ya bien na makamboloba ki ya mensonge na yo. Element ya bien de na lingi na exploiter sikoyo. Parce que nous avons appris à l'école secondaire na ba cours esthétique bazoloba dans la laideur, il y a la notion de la beauté. Et dans la beauté, il y a la notion de la laideur. Donc, tout dépend du point où vous avez côté les menaces pour dénicher ce qu'il y a là. Si vous avez le coup de temps pour détruire, vous avez le président Félix Assali, vous avez le coup de temps, vous avez le coup de temps, moi, vérité, moi, bénéfice, moi, na kati ya maloba, na yo iza ya ke. C'est vrai que moissonneuse a dosoyé bien très bien que tango bukaka ba masango mususu ko ya kaka. Ça ne peut pas tout prendre, c'est impossible. Même au Kenya, aux États-Unis, atabati ndio na lola okutango te. Tango tronçonneuse le kaka. Non, moissonneuse plutôt tango le kaka. Azoka ba masango papa a dégrainer tout ça bimisi. Mususu ko ya kaka pembeni. C'est ce que tu n'as pas voulu dire aux gens. Mais moi, je profite pour dire, ton passage là m'a donné une idée. Que l'UDPS, avec ses combattants, ses milliers de combattants, a coquille commettre bango à profit. Bozu Batouana, nombre monko, oye bakoki ko sala moussala pendant une semaine ou deux. Boke na bango na ba hectare nyon sur le Kwangalonzo, bo largue bango. Bo lobi, tango bako travaille, toko futa batou. Par exemple, bako lokotana jour wana ba futami. $20, $20, $20, $20, transport na bango yaza na kati balepe ba meli ba zongi. Musala na bango ko lokotaka ka ba masango oyo moissonneuse arataki ko zwa. Ba lokoti, ba zongi si yango kuna, ba ko moudre yango po pa sa la farine. C'est ça aussi donner de la valeur na ba toboza na bango. Parce que de temps en temps, Augustin Kabou yazo souffrir parce que na la mouka kanatongo akouti ba tolibanda, ba yena ba problème. Po ako kako résoudre. Mais lui, il trouve l'argent où? Il ne peut pas réussir. Ce qui a réussi, c'est ba finga ka ba sala ka boye. Donc, il faut le mettre à profit. C'est très important. Mais ne prenez pas tout le monde. Wana yezama kamususu ya ba stratégie otoyebi toko solo la inbox. Nalingi na kota na likambo oyo ya meso nzekuye. Nzekuye aza kadre ape perde. Natango baza kuyoka nanga kosola makambo etali ba eleksyon. Nanga dessus les gens. Je vous signale une chose. Ah, bazo ganga na batu ya balamuka, ba ensemble, élection 2023, tout ça, tout ça. Bah, il y a la ksaka ba ebi loi. Mais moi, je leur dis, ba élection ya 2018 nan aussi la te. Ba sala ki présidentielle, ba sali la députation nationale et provinciale. Mais on n'a pas encore fait ya municipal ba sali angote. Ne pensez pas que le cycle est fini, il n'est pas fini. Si vous étiez bien ordonné et organisé, vous alliez parler aujourd'hui à que basi nanga sili saba élection yetikalaki. Municipal et local et salimi na noté. Soye salimi ti 2023 tokoli yango ndeko banga we zali ya que ah prolongement ya chef de l'état gozala. Quand cela ne tienne. Je rentre sur la déclaration de Nzekuye. Nzekuye azako ya na proposition oyo yaka na ngoi kasanji. Peut-être il croit que batu ba na pongi esika wana. Nzekuye azako proposer à lobby na réforme ya loi électorale. Ya lingi ba vota ka président de la République, ba élire ka président de la République par le scrutin indirect. Il y a direct ça ya que azana mandat populaire national batumo mutuna mutuazo pona président ya lingi mais pona nzeku ya lingi tango ba voter ba député ba silici ba député bonde ba bango bonde ba voter président de la République te nzeku ye on connaît ces méthodes. Vous avez laissé le pays dans la plus noire corruption du monde. Objectif oboza nango bino za ya lingi. Tocha loa wana pour que moment oyo tokoza ba député tokomi lokola boza ba spécialiste ya corruption. Vous allez corrompre les députés qui vont choisir un président que vous aimez. Alors, pour que vous ayez un président que vous aimez à manipuler qui va vous laisser dans la corruption, concussion, médiation, détournement et tout le reste. Raison zoko pesa lobby et ko pesa biso to économiser un bon. Non, c'est faux. L'argent pour faire ces élections à Ramouké. Na gouvernement na bino na gestion na bino 18 ans, vous voliez seulement l'argent, vous avez détourné. Vous n'avez aucune raison de dire que les élections c'est cher. Et ça cherte. Cessez de voler cet argent là oyo bazai ko yiba oyo professeur Lozolo Bambia lobi 12 milliards par an. Mais élections ezala ki nyon sont ensemble 1 milliard. Donc, Moïbi wana ya 12 milliards. Soto kanyango, Nzekuye, ta proposition n'a aucune place. Vous avez créé des histoires qui ont troué la République pour dire non, il n'y a pas l'argent. Tokendesko, ce sont des raccourcis. Le chef de l'État sera voté au circuit universel direct. Et c'est que la kandenge wana. Proposition na yo, ezama bemakas, toa nango posa ata mukete. Awa sikoyo na lingena sisa na dossier moko. Beaucoup de gens bazali koyeba te tango biso toza ko telema ko diskite makasi na likambo etali COVID-19 na likambo yake tobo ya vaccin na motema to. Na lingena rafraîchir bino mémoire. Bomona ki pendant un temps mindele ko kitawa mingi kaka pona planning familial. Planning familial bazali ko sala ngote pa na bango. Na liro ba yaki nangwa. Ya ke bobo tamingite. Bobo tamingite. Et comme raison, bobo tamingi bwana posibilite ko lesa bangote. Alors que bango ba yibi biso, tokoma na situation oyo tokoma ki nango pour nous dire de freiner ya kobota. Na lingi na pesa bino, vérité ya munene eza koleka na Nairobi. Mindele wana tango que na planning familial ezo pesate. Congolais zo bota, Kenya zo bota, Tanzania zo bota, ba tutu ba zo bota. Qu'est-ce qui va se passer? Ba créer problème moko boye ko bima. Lokola ba tumundu réflexion na biso za matata. Il faut ka balo ba balo ba balo ba za matata. So boyka mundele baye bona boy baboniko neti mikolo bazwe sabino balobi mafuta ambile za mabe. Mutu ya biso fo salade. Vous ne pouvez pas regarder nos parents qui ont grandi avec ça, même nous même qui parlons. Naninga ngo tilelo ba komo ko sabino ba notion moko ya lokuta. Ces gens-là ba travaillent ka biloko ya que comment mutu mundo ko tikara na situation na bango. Parce qu'il y a une vidéo où quelqu'un dit un blanc que nous vivons grâce à ces gens. Tokutikabango jamais basa na situation confortable. Il faut que déséquilibre kabango tout le temps. Na zongi na Nairobi. Bakotaka kuna balobi bana basi basa ko développer ba cancer du thorax. Il faut to vacciner bango po ba souffrir makambwana te. Lokolo mutu mwindu réflexion eza matata. Ba mibwaki. Ba pesi bana basi ba vaccin wana. Conséquence lelo. Ba stérile ba komi ebele. Soki alingi abota, soit moko esili. Soka jana chance mibale esili, mibale kaka troate. Donc likambo ko bota e koti kuna. Tant que biloko bango ba travayaka e utaka na noir te. Me baye nango na raison mususu ba pesi bino. Ko wele la wele la wana ya kunde la ye ko wele la wele mutu na biso e il faut za la bar formaté to zonga la ki na ndenge na biso. Tango biso za ko lo baboko ko boko za obino bo kanisa te. Ba chabino na mutu ke boko ko za ki ndoki. Boko ko za bo na boye. Boko ko za ko zonga na mukaya. Tu se passa. Ba scientifique na biso boko mana niveau ya ko sala la makabo biso moko. Ba yake ali susu cancer de sein. Papa dit qu'on peut s'abîmer au biloko. Et si quand il est ouvert, ça coule. Regardez même réflexion, il y a un dabu, il y a un ké makasi. Parce que le vaccin y a Covid. Bandeko. En même temps, bah j'ai s'abîmer, bah tu vas outi kobika, na traitement. Kaka na kisha sao. Rapport est outa kaka na inerbe. Que tu outi kobiki sabatu boy. Na vaccin te. Mais kaka bah tu anabaye s'abîmer, soit vaccin. Otuni pona ni oko renforcer yo te ba o bazo bika bazu vaccin te ba biki na renforcement o nzamba pesa bango na renforcement o biso moko tozoka na kolia o toliaka milieu tozo fanda. Regardez ba to bazu ju ba vaccin bota la isika tozo kende ba ko kufa ebele so ba tuni bango vaccin zana nini. Même médecin qui est dans l'hôpital qui est tout n'est à vos angles quoi quoi ça ça renforce l'immunité tu vois ça renforce tout c'est tout ça bah poser question ce qui n'a joué en haut n'a reçu aucune maladie t'es malhabité au repas d'où n'a côté un vaccin sur le côté ce qui n'a joué en haut n'a colongo la masque tu vas repasser dans votre vie t'es beaucoup t'es calé dans geste barrière d'où c'est inutile un tel truc. Balobi soki mutu atazu vaccin akoki kopesa ka maladie. Alors tina ya vaccin wana nini? So